Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage amour de l'oracle de Béline. Quel va être le conseil ou le message de l'oracle de Béline pour vos amours au mois de mai 2023? Alors, déjà la coupe. Alors la coupe, elle est excellente pour vous, donc il y a beaucoup de succès. Ça va même plus loin que le succès, c'est vous êtes vraiment mis en avant. Il y a des honneurs pour vous, des félicitations. Ça peut toucher également la vie professionnelle. En tout cas, vous allez être mis un peu sur un piédestal et ça va sans doute jouer également du coup sur votre vie sentimentale. Quel est le conseil, le tirage, peut-être le message tout simplement de l'oracle de Béline pour les Gémeaux, pour les amours de mai 2023. Je mets les autres cartes de côté et je découvre le jeu en même temps que vous. Donc apparemment, de toute façon, dans la coupe, ça parle de succès. Oh oh! Eh bien, écoutez, c'est surprenant, c'est tout ça, ça va dans le même sens. Apparemment, vous pouvez, vous êtes un petit peu dans le passé proche, centré sur vous-même, vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez essayé un petit peu de vous auto-analyser, et ça vous a beaucoup aidé, parce que du coup, vous vous êtes, peut-être que vous avez changé d'attitude, du coup, et vous vous êtes attiré la sympathie, l'affection de personnes, des sentiments ont pu se renforcer, ou vous avez attiré l'attention de quelqu'un. Si vous êtes célibataire, alors c'est vrai que ce qui rayonnait sur le jeu, ce qui rayonne ici, c'est par rapport à une certaine solitude. La solitude, si vous êtes célibataire, c'est qu'elle voilà, elle vous pesait dernièrement. Et en couple, parfois, eh bien, on a l'impression de ne pas être compris et d'être un peu seul à deux. Et par rapport à tout cela, qu'est-ce qui se passe en mai? Eh bien, il y a le désir, les souhaits qui se réalisent et un coup de foudre. Alors, donc, évidemment, c'est très simple à interpréter pour les célibataires. Vous l'avez compris, il y a une rencontre coup de foudre, un coup de cœur qui est vraiment possible pour vous au mois de mai. Grâce au fait, sans doute, que vous avez travaillé sur vous-même et que vous voyez les choses autrement. Et du coup, vous avez peut-être une attitude différente. Donc, bravo. Et puis, sinon, pour les couples, tout simplement également, par rapport à un changement qui s'est produit en vous, eh bien, vous allez retrouver un élan commun et de l'enthousiasme, de la passion dans votre rapport. Alors, en tout cas, profitez de ce mois de mai.